J'ai juste besoin du minimum, le strict nécessaire pour que la prod de Nijimor vienne pour un pic et des cernes, ce sera easy mom. Besoin d'un stylo pour la guerre, un pilon pour la baisse, oublions pour la paix, mais pour laquelle, oublions pour la peine et belle. Mon blast c'est le cursus sur la route, s'il te plaît. Si tu prends mon bras, c'est que tu suis sur la rouille. Allez, viens jouer, mais la fête s'est fait très mal. Mais faudra que le whisky t'assède pour m'agacer, pour cesser d'être très mal. Rien à foutre, on se met la bague. Merde, j'suis marié à la rue, mais faudra 40 points pour semer la bac. Y'a que la rage dans ma cave thoracique. Viens à l'arrache, comme un fou qui pense que braquage thoracique. Évite la foule, j'suis un grand malade. La nuit j'écris la foudre, rien de mes flèches, contre mes frères sur les dents de madame. Les gros s'abritent en temps d'orage, les petits batailles. Dans la t'auras des grandes gueules tant qu'il y aura des pipes à taille. Oh, j'écris pas pour vivre mais pour tuer. J'détruis le micro, j'cris, le bonheur est sourd muet. Suffit d'un ghetto blaster pour faire d'un cassos un très gros taffeur. Oh, j'ai besoin de mes poteaux, de ma clip, pas d'une arme, gros nos larmes, non rien d'automatique. J'écris pas pour vivre mais pour tuer. J'détruis le micro, j'cris, le bonheur est sourd muet. Si je dois planter le décor, j'ai besoin d'une prod pointue. Pour que la rime encule le beat, j'ai besoin d'un code ceinture. Suffira d'un 16 pour que ça part dans trop de coins de rue. Ouais, même la piste prend son yep, c'est qu'il y a de la grosse pointure. Souvent complètement rabat, c'est qu'il y a rien de vrai à faire. Le strict nécessaire, j'ai toujours fait avec. J'ai besoin de gros samples oppressants pour mon flow blessant. Faut que le game ait de la veine pour pas se faire de mauvais sang. Et les petits cons sans diplôme reviennent en mode géant. Anti-clo-clo, anti-claude géant, anti-clone. J'ai besoin de mon hip-hop et de mon clan pirate. J'ai besoin de prier, mais pas de prier. J'suis déjà dans le cirage, ok, j'tordu. Pleut sans mon rap sortu. Trevant, s'il y a de l'or pur, j'le prends mon tas d'or dur, j'le vends. Si, si, on m'a dit vas-y, envoie tes missiles. Easy, fuck Wheezy, rusé, j'ai Wheezy, easy. Oh, j'écris pas pour vivre mais pour tuer. J'détruis le micro, j'cris, le bonheur est sourd muet. Suffit d'un ghetto blaster pour faire d'un cassos un très gros taffeur. Oh, j'ai besoin de mes poteaux, de ma clip, pas d'une arme, gros nos larmes, non rien d'automatique. J'écris pas pour vivre mais pour tuer. J'détruis le micro, j'cris, le bonheur est sourd muet. J'passe trop de nuit sur la play ou à me ronger les couilles sur Facebook. Fonce des, j'tourne en rond à gratter sur cette boucle. J'dois semer les tourments à fond dans le tournant. J'emmerde tout le monde, j'étouffe souvent, tourmente. Dans le creux de la vague, j'sais pas surfer. J'ai besoin d'une flush royale vu que j'sais pas bluffer. Le destin me fait le coup de la balle, j'découpe la basse. J'ai besoin de mes cousses, de la basse, des loups, de la casse. Pour éviter les plumes, faut qu'un appel de phare. Pour être heureux, me faut de la peur et une paix de phare. Besoin d'abord pour éviter un tas de poursuites. Merde, j'ai pas mon élément qu'avec un passeport suisse. Pour un tête à tête, j'lâche la lame. Oh my god, pour un, les deux pieds dans la terre, crache la lave, pas de chalac. Besoin que de ma peine et c'est tout, la belle c'est tout. La bête c'est Barbarousse comme on appelle c'est tous. J'écris pas pour vivre mais pour tuer. J'détruis le micro, j'cris, le bonheur est sourd muet. Suffit d'un ghetto blaster pour faire d'un cassos un très gros taffeur. J'ai besoin de mes poteaux, de ma clique, pas d'une arme, gros nos larmes, non rien d'automatique. J'écris pas pour vivre mais pour tuer. J'détruis le micro, j'cris, le bonheur est sourd muet.